Bienvenue à Parole de Psy, ce programme consacré à la santé mentale et au bien-être. Je suis Magloire Mpembi et c'est avec plaisir que je vous retrouve en ce jour. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous, à commenter sur toutes les plateformes de diffusion de ce podcast. Nous sommes disponibles sur www.sudglobalradio.com, sur la chaîne YouTube Afro Panorama, sur Facebook, sur Viki, mais aussi sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Au menu ce soir, le syndrome de stress post-traumatique, quel est-il? Comment le reconnaître et surtout comment le prendre en charge? Nous en parlerons en long et en large. Mais avant cela, à suivre quelques nouvelles sur le front de la santé mentale. Quelles sont les conséquences de l'anorexie mentale sur le cerveau? C'est à cette question que répond l'article d'Esther Walton et collaborateurs. Il rapporte une diminution de l'épaisseur corticale, des volumes sous-corticaux et de la surface corticale dans les régions centrales. Ces anomalies étaient moins prononcées chez les patients dont le poids a été partiellement restauré à la suite de la prise en charge. L'étude intitulée Brain Structure in Acutely Underweight and Partial Weight Restored Individuals with Anorexia Nervosa, a Coordinated Analysis by the Enigma Eating Disorder Working Group, a été publiée le 31 mai 2022 par la revue Biological Psychiatry et nous vous donnerons en description la référence complète de l'étude. Une deuxième information, ça concerne le syndrome de stress post-traumatique. Un papier publié récemment indique que le syndrome de stress post-traumatique pourrait augmenter le risque de démence, selon Jacques-Juan Liu, qui est un chercheur qui prépare actuellement un doctorat à la Harvard School of Public Health. Elle ajoute, cette chercheuse, que l'étude montre l'intérêt d'une évaluation cognitive précoce chez les sujets souffrant de syndrome de stress post-traumatique. L'article a été publié le 30 juin dernier dans le Journal of American Medical Association Network Open. Et pour cet article-ci, vous aurez la référence complète dans la description. Cette dernière info nous tend la perche par rapport à notre sujet aujourd'hui. Nous allons parler du syndrome de stress post-traumatique, un syndrome qui reste d'actualité et qui peut toucher tout le monde, n'importe qui, dans le contexte actuel avec ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qu'on appelle trouble de stress post-traumatique? C'est le trouble de stress post-traumatique correspond à la survenue des symptômes caractéristiques à la suite de l'exposition à un événement traumatique. Et qu'est-ce qu'un événement traumatique? C'est un événement au cours duquel le sujet ou d'autres personnes ont pu être menacées de mort, trouver la mort, subir des blessures graves ou des violences sexuelles. Et l'exposition à cet événement traumatique peut se faire de différentes manières, en étant directement victime, en étant témoin direct, en apprenant que cela est arrivé à un membre de sa famille ou à une personne proche, ou alors dans un cadre professionnel avec une exposition répétée. C'est ce qui peut arriver par exemple chez les pompiers, ou chez les personnels soignants, ou chez les policiers. Alors, comment est-ce que ce syndrome va se présenter chez les personnes qui sont atteintes? On décrit trois grands groupes de signes. On parle de syndrome de répétition, syndrome d'évitement, on parle de l'hyperactivation neurovégétative et on parle des altérations négatives des cognitions et de l'humeur. Alors, on va essayer un peu de décrire tout ça avec plus de détails. Le syndrome de répétition, les patients souffrant de troubles de stress post-traumatique présentent des réviviscences, c'est-à-dire qu'ils revivent involontairement de manière vivace, envahissante, pénible et répétitive certains aspects de l'expérience traumatique. Ces réviviscences peuvent également être nocturnes, il s'agit alors des cauchemars traumatiques. Et enfin, on a des réactions dissociatives qu'on va décrire comme des flashbacks au cours desquels le sujet agit ou se sent comme si l'événement allait se reproduire, voire se reproduisait. Ainsi, replongé dans l'événement, le sujet perd conscience de la réalité ambiante pendant quelques secondes ou quelques minutes. Ces réviviscences sensorielles et émotionnelles sont généralement accompagnées d'une réactivité physiologique avec des symptômes physiques. Ces symptômes, on peut citer par exemple les palpitations, les sueurs, les tremblements, les polypnées. Deuxième groupe de signes, le syndrome d'évitement. Comment est-ce que cela se présente? L'évitement des stimuli qui rappellent au sujet le traumatisme est aussi un symptôme clé pour le diagnostic de troubles de stress post-traumatique. Ces stimuli peuvent être des personnes, des lieux, des situations ou des circonstances qui ressemblent ou sont associées au traumatisme. Les patients souffrant de troubles de stress post-traumatique s'efforcent de chasser tout souvenir attaché au traumatisme, par exemple en évitant d'y penser, en se mettant à lire, en allumant la télévision ou en appelant un ami, ou vont encore éviter d'en parler de manière détaillée, surtout pour les souvenirs les plus difficiles. Autre groupe de symptômes, l'hyperactivation neurovégétative. Les altérations du sommeil sont généralement au premier plan. On a des difficultés d'endormissement ou sommeil interrompu au moindre bruit. On a la survenue de cauchemars qui peut participer à ces altérations de sommeil parce que l'endormissement est redouté et parce que le rêve traumatique réveille le sujet en sursaut. L'irritabilité souvent rapportée, tout devient insupportable, invivable, le bruit, la foule, certaines situations quotidiennes. Et l'hypervigilance est un état d'alarme dont l'objectif est de dépister et d'analyser le moindre stimuli environnemental qui peut être interprété comme une nouvelle menace. Cet état s'accompagne souvent des réactions de sursaut exagérées au moindre bruit. Et on va citer ce type de bruit, ça peut être le claquement de porte, le bruit de moteur, la sonnerie du téléphone, la sirène, etc., etc. Cette symptomatologie s'accompagne fréquemment d'altérations de la concentration et de la mémoire. Un quatrième groupe de symptômes qu'on retrouve chez les sujets présentant ce trouble, ce sont les altérations négatives des cognitions et de l'humeur. Les distorsions cognitives persistantes concernent non seulement le sujet lui-même, il va commencer à se dire « je suis mauvais, je n'ai pas su défendre ma famille », mais ça va aussi concerner les autres, et on va parler des autres comme de ce monstre qui a détruit ma vie, on ne peut faire confiance en personne dans ce monde. Le sujet se blâme, rumine l'implication des autres personnes en rapport avec l'événement. Dans ce contexte, les modifications de l'humeur peuvent également être observées. On va avoir une diminution des intérêts, un détachement, une incapacité à éprouver des émotions positives. Ces symptômes rendent difficile le diagnostic d'une éventuelle comorbidité avec l'épisode dépressif caractérisé. Un certain nombre de critères sont définis dans le manuel de référence qu'utilisent tous les psychiatres dans le monde, le DSM-5. Et ces critères rappellent un peu les trois grands groupes de symptômes que nous avons vus. Nous allons passer à la prise en charge, parce qu'il faut prendre en charge ces personnes qui souffrent de cette maladie. Cette prise en charge peut être décrite en fonction du moment où on intervient par rapport au malade. Il y a une prise en charge immédiate au décours de l'événement traumatique. Il y a ce qu'on appelle des interventions précoces auprès des victimes. Ces interventions sont proposées et ne constituent en fait qu'une première étape et ne peuvent être en elles-mêmes suffisantes pour éviter le développement d'un trouble de stress post-traumatique. À la phase suivant immédiatement le traumatisme, il s'agit des techniques qu'on appelle le defusing ou des déchocages psychologiques qui vont viser à réduire la charge émotionnelle et à identifier les personnes les plus vulnérables afin de leur proposer des soins spécialisés. Les principaux objectifs de ces interventions de ces interventions précoces sont 1. Le repérage et le traitement des patients présentant des manifestations aiguës de stress et notamment une symptomatologie dissociative. L'information des victimes et de leurs proches sur les modalités évolutives de leurs symptômes et les possibilités d'aide en cas de persistance de ces derniers. La mise à disposition d'une aide psychologique, possibilité d'écoute pour les sujets souhaitant verbaliser les émotions, souvent violentes, ressenties au cours de la situation traumatique. Au niveau précoce, il n'y a pas de médicaments qui soient indiqués pour être recommandés et en principe, on ne va pas en donner. Plus tard, dans la prise en charge, il y a le traitement non pharmacologique et le traitement pharmacologique. Le traitement non pharmacologique est un versant primordial de la prise en charge. La psychothérapie est centrale chez l'adulte comme chez l'enfant et l'adolescent. On a plusieurs techniques que l'on peut utiliser, les techniques cognitivo-comportementales, la thérapie d'exposition prolongée et la technique qu'on appelle EMDR. Alors, on va donner quelques détails. Les thérapies cognitivo-comportementales centrées sur les traumatismes sont efficaces d'autant plus qu'elles sont commencées précocement après le traumatisme. Elles ont pour objet la gestion de l'anxiété, la lutte contre les évitements, qu'ils soient cognitifs ou comportementaux, et vont utiliser les techniques classiques comme la relaxation, les techniques d'exposition graduée aux stimuli et la restructuration cognitive. La thérapie d'exposition prolongée est une technique de désensibilisation vis-à-vis de l'événement traumatisant. L'exposition peut être imaginaire ou réelle. Elle doit être répétée, progressive, contrôlée pour obtenir vis-à-vis du traumatisme un phénomène d'habituation. Il faut amener le patient à expérimenter la diminution de son anxiété face aux stimuli problématiques, autrement que par l'évitement. L'EMDR, qui de l'anglais Eye Movement Desensitization and Reprocessing, repose sur la théorie selon laquelle les symptômes du trouble de stress post-traumatique sont liés à l'encodage inadéquat des informations attachées à l'événement. La procédure d'EMDR vise à stimuler le processus de traitement de l'information afin que les souvenirs de l'événement traumatique acquièrent le statut de souvenirs débarrassés des émotions négatives initiales. Le patient est invité, selon une procédure standardisée, à évoquer certains éléments de souvenirs alors que son attention est focalisée sur des stimuli bilatéraux visuels. Ces trois catégories de psychothérapie centrées sur l'événement traumatique sont considérées actuellement comme les traitements de première ligne, plus efficaces que les traitements médicamenteux et donc à proposer en priorité aux patients. Enfin, il y a le recours à des groupes de pairs ou à des associations pouvant apporter une aide sociale et juridique qui est très efficace et qui vient vraiment en aide aux patients. En fait, il est très important de prendre en compte la dimension sociale et juridique qui va avoir un impact majeur et d'orienter vers des associations spécialisées ou des groupes d'entraide pour s'occuper de ces dimensions-là de la situation. Traitement pharmacologique. Qu'est-ce qu'on peut donner comme médicament chez les sujets présentant un trouble de stress post-traumatique constitué, que ce soit un adulte, un enfant ou un adolescent? Le traitement pharmacologique va reposer sur l'usage de certains antidépresseurs du type inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Ce n'est pas un traitement de première intention, mais ça peut être utilisé pour des sujets qui vont présenter des symptômes sévères ou chroniques, ou ceux ne pouvant pas ou ne souhaitant pas suivre une psychothérapie. Ici, il faut insister sur le fait que il ne faut pas utiliser des benzodiazépines chez des sujets à la suite d'une exposition traumatique. Le traitement symptomatique de l'insomnie, de l'anxiété ou d'autres troubles doit reposer sur les autres catégories de traitement anxiolytique, mais certainement pas les benzodiazépines. On peut donc penser aux antipsychotiques sédatifs ou par exemple à l'hydroxyzine. Voilà, c'est tout pour ce soir. Nous avons fait un petit topo sur le trouble de stress post-traumatique. Et je suis heureux d'avoir passé ce petit moment avec vous. On vous retrouve la fois prochaine pour l'actualité en psychiatrie et en santé mentale, mais aussi pour parler d'un sujet qui peut nous toucher dans notre vie de tous les jours, qui peut toucher les membres de nos familles. C'est important de prendre le temps de connaître et de comprendre les problèmes de santé mentale. Merci de votre fidélité et je vous dis au revoir et à la fois prochaine.